Déclaration de Cheikh Abdelrahman al-Barrak sur Saddam Hussein. Louange à Allah et que la prière et la paix soient sur le messager d'Allah. Après quoi? Il est connu que Saddam était un leader du parti Ba'ath arabe. Et il est bien connu que ce parti Ba'ath se fonde sur des principes païens et irreligieux. Donc, le représentant était le chrétien Michel Aflaq. Mais nous n'avons pas connaissance d'un quelconque désaveu public de la part de Saddam Hussein envers le parti Ba'ath après l'invasion américaine, ni avant. Concernant ce qui surgissait de lui d'islamique et la déclaration de la foi, cela ne suffit pas car beaucoup d'irreligieux prétendus musulmans prononcent les deux attestations de la foi et s'affilient à l'islam. De ce fait, nous laissons le sort de Saddam à Allah. Nous n'intervenons pas dans ce qui est entre lui et Allah. Nous ne nous attendrissons pas pour lui. Nous ne prions pas pour lui s'il venait à y avoir une prière pour lui. Car ce qu'il a laissé paraître n'indique en rien qu'il ait abandonné ce sur quoi il était et ce pourquoi il s'est fait connaître en tant que leader du parti Ba'ath et la foi en ses principes. Quant à ceux qui l'ont exécuté, ce sont les croisés et les rafidites par conflit politique. Les rawafides le détestent car il était attribué aux sunnites. Quant au fait qu'il ait choisi le jour de la fête de l'Aïd pour l'exécuter, on dirait que cela ressemble à l'exécution d'un émir des Omeyyades. Khalid al-Qasri appliqua sur Ja'd ibn Dirham le guide des Mu'attila, le jour de la fête du mouton. Il dit « Ô gens, sacrifiez, qu'Allah accepte votre sacrifice. Moi je vais sacrifier Ja'd ibn Dirham, car il prétend qu'Allah n'a pas pris Ibrahim pour ami et n'a pas adressé la parole à Moussa. Il descendit du minbar et lui trancha la gorge. Or, les Rafida sont les amis des Jahmiya Mu'attila. D'ailleurs, ils sont Mu'tazilites. Quant à nous, Ahl al-Sunnah, nous ne sommes pas navrés de la mort de Saddam. En effet, les chrétiens et leurs amis, les rawafides, pensent attrister les musulmans en tuant des gens comme lui, comme les autres dirigeants qui combattent l'islam et se font passer pour des beaux parleurs. Mais ils ne se font que des illusions. La chute de l'État de Saddam par les Américains, avec l'aide des rawafides, ce n'est qu'une manière dont Allah punit les injustes par d'autres injustes. Et ils vont mettre sur le trône une personne pire que lui. Nous demandons à Allah de donner la gloire à l'islam et aux musulmans et de secourir les mujahidines en Irak et partout dans le monde.